إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, on est arrivé au dernier point parmi les points de Usul al-Sunnah de l'imam al-Humaydi. Donc c'est la partie numéro 7 aujourd'hui, mais c'est le point numéro 10 dans les 10 points qui sont clarifiés dans les fondements de la Sunnah. Et donc le point qu'on a traité la dernière fois, c'était le point numéro 9, en ce qui concerne la question des kaba'ir, des musulmans qui commettent des grands péchés, et le verdict à ce sujet-là, qu'est-ce qu'on dit yani, par rapport aux musulmans lorsqu'ils commettent des grands péchés. Et l'imam al-Humaydi, il disait « وَأَنْ لَا نَقُولَ كَمَا قَالَتِ الْخَوَارِجِ مَنْ أَصَابَ كَبِيرًا فَقَدْ كَفَرَ » Allez, on ne dit pas la même façon que les Khawarij qui disent que celui qui fait un grand péché, il a mécru. On n'a pas cette position-là. Comme on l'a expliqué hier, notre position c'est que celui qui commet un grand péché, c'est un musulman, c'est un croyant, mais qu'il a une foi faible. Sa foi, elle est déficiente, mais il n'est pas nécessairement, c'est-à-dire il ne sort pas obligatoirement de l'islam. Excepté s'il fait quelque chose qui vient détruire les fondements de son islam, c'est-à-dire le témoignage de la ilaha illallah de Muhammad Rasulullah, et qu'il commet un kufr majeur ou un shirk majeur, et on a expliqué tout ce qui a rapport avec ces questions-là en détail. Le point numéro 10, il est très proche, il a un lien avec cette question-là, c'est pour ça que je reviens là-dessus. L'imam al-Humaydi, il dit ولا نكفر بشيء من الذنوب وإنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها ومن تشا ومن لم من لم تش ولم من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته ولا يجزئ من قضاه بل تفريطه فيه عامدا عن وقته فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت وكان آثما في الحبس أما الحج فمتى وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم أما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى وإن مات أو وإن هو مات فهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجع إلى الدنيا أن يحج ويجب على أهله أن يحج عليه أن يحج عنه نرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته تم الكتاب والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا donc ce dixième point c'est par rapport à celui qui يعني abandonne certaines actions يعني qu'est-ce qu'on dit à ce sujet là parmi les gens qui commettent le péché d'abandonner certaines obligations dans l'islam. Donc Imam al-Humaydi, il dit, on ne déclare pas, on ne déclare personne de koufar pour des péchés qu'ils commettent. Le koufr, c'est seulement dans le fait d'abandonner les cinq piliers. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est bâti sur cinq. Le témoignage de la ilaha illallah, de Muhammad Rasulullah, d'établir la salat, de donner la zakat, de jeûner le mois de ramadan et de faire le hajj à la maison d'Allah, c'est-à-dire la Kaaba. Donc l'imam al-Humaydi il explique ce point-là pour commencer. Il dit en ce qui concerne les trois, c'est-à-dire les trois premiers, comme par exemple le fait de dire « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah » et le fait de faire la salat et le fait de faire le jeûne, il dit celui-là on peut pas considérer comme si celui qui l'abandonne, on peut pas discuter avec lui sur le fait qu'il abandonne une de ces choses-là. Et s'il le fait après qu'il a abandonné son obligation, le fait qu'il le fasse par la suite, ça suffit pas parce que c'est à cause de sa négligence à lui et il a fait ça intentionnellement, il l'a fait sortir de son temps, donc dans ce cas-là, le fait de le refaire par la suite, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait une repentance dans ce cas-là. On va expliquer les détails à ce sujet-là dans les commentaires du cheikh qui a fait le tahqiq par la suite. Et en ce qui concerne la zakat, alors du moment qu'il a les capacités de payer la zakat, c'est-à-dire il a suffisamment d'argent, il est riche, donc dans ce cas-là, il doit la payer. S'il ne la paye pas, s'il retient sa zakat, dans ce cas-là, il est dans un état de péché, il a commis un péché, mais il ne sort pas de l'islam tant qu'il n'a pas nié son obligation. Il dit, en ce qui concerne le hajj, quand c'est obligatoire pour lui, il doit faire son hajj, s'il a les moyens et s'il est capable. Donc ça devient obligatoire pour lui. Donc, on va lire une partie des commentaires du cheikh, puis on va continuer par la suite, à expliquer la suite de ce que l'imam al-Humaydi a dit pour que ce soit plus clair. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله أما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان فزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجمع معهما أما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء هل يزول الإثم بزوالها أو بزوال واحد منها أم لا يزول بذلك أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيترك بترك الصلاة دون غيرها أم يختص بزوال الإسلام أو يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة وفي ذلك اختلاف مشهور. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali dans un de ses livres, c'est Fath al-Bari, parce que Fath al-Bari à la base c'est un livre qui explique Sahih al-Bukhari et il est écrit par l'imam Ibn Rajab, mais l'imam Ibn Rajab rahimahullah il est décédé avant de l'avoir complété. Alors par la suite l'imam Ibn Hajar al-Asqalani il a écrit un charh de Sahih al-Bukhari et il l'a appelé lui aussi Fath al-Bari et il l'a complété. Donc c'est il a repris le même titre. Donc des fois quand tu dis à quelqu'un l'imam Ibn Rajab dans Fath al-Bari, les gens s'imaginent que tu te trompes parce que comment ça c'est écrit par Ibn Hajar, mais Ibn Rajab a lui aussi écrit un charh de Sahih al-Bukhari qui s'intitulait Fath al-Bari avant l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Donc il dit dans ce livre, dans Fath al-Bari, en ce qui concerne les cinq piliers de l'islam, celui qui les abandonne les cinq, alors c'est comme si toute sa maison elle est détruite. C'est-à-dire son islam au complet, elle ne peut pas tenir. Parce que une maison sans fondement, sans pilier, ça ne peut pas rester. Donc il dit celui qui abandonne les cinq piliers au complet, il n'a plus d'islam par la suite. Et en particulier s'il perd le plus important d'entre ces piliers-là, c'est-à-dire le témoignage de Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Celui qui a abandonné ou qui a perdu le premier de ces piliers-là, c'est-à-dire le témoignage, le shahadatan, alors le fait qu'il l'ait abandonné, il quitte l'islam, il n'est plus musulman. Et la façon dont il perd ce pilier-là, c'est comment? C'est en faisant ce qui vient opposer le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Comme par exemple le fait qu'il commette un acte de shirk majeur, ou le fait qu'il commette un acte de kufr majeur, parmi les nawaqid de l'islam. Donc s'il commet une de ces choses-là, alors bien entendu, il va sortir de l'islam. Maintenant, est-ce qu'on peut faire rentrer dans cette chose-là autre que ce pilier-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on va considérer que celui qui abandonne, autre que le shahadatan, autre que le premier pilier, est-ce qu'on va considérer que lui aussi il sort de l'islam? Comme par exemple, les quatre autres piliers, en dehors du premier, comme la salat, la zakat, le hajj et le jeûne, est-ce qu'on dit que celui qui les abandonne, il quitte l'islam ou non? Le cheikh il dit à ce sujet-là, au sujet des quatre autres piliers, il y a une divergence entre les ulama. Donc il dit que il y en a des ulama, parmi les ulama de Ahl Sunnah, ils font une distinction entre la salat et les autres piliers. Parmi les quatre autres après shahadatan, il y a des ulama qui considèrent que la salat c'est particulier. Celui qui abandonne la salat, selon certains ulama, ils vont dire qu'il sort de l'islam en abandonnant la salat. Mais que ce n'est pas le cas pour les autres, ce n'est pas le cas pour le jeûne, ce n'est pas le cas pour la zakat, ce n'est pas le cas pour le hajj. Et il y en a d'autres qui considèrent que quelqu'un abandonne l'islam en abandonnant la salat et la zakat. Et d'autres considèrent parmi les ulama que quelqu'un sort de l'islam uniquement s'il abandonne le premier pilier. Donc, ça, c'est des différences de position parmi les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Parmi les ulama d'Ahl Sunnah, parmi les ulama des Salaf, il y a ces différentes positions. D'accord? Et il dit que ça, c'est une divergence entre les ulama qui est célèbre. Ça veut dire cette divergence-là entre les ulama d'Ahl Sunnah, elle est connue. Et malgré qu'il y a ces divergences, aucun d'entre les ulama d'Ahl Sunnah n'a déclaré un d'entre eux égaré ou mubtadi' à cause de cette divergence-là. D'accord? Et on va donner plus de clarification à ce sujet-là. Le cheikh il dit ensuite وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَنْ حُكْمُ تَارِكِ الصَّلَاةِ فَأَجَابَ أَمَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ فَهَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا فهو كافر بالنص والإجماع لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركانها مثل أن يصلي بلا وضوء فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم. Donc, le cheikh il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, qui explique le verdict au sujet de la personne qui abandonne la salat, quelqu'un qui a abandonné la salat. Donc le cheikh dit, en ce qui concerne la personne qui a abandonné la salat, qui a laissé la salat, si cette personne-là ne croit pas en son obligation, alors celui-là, il est kafir. Il est kafir selon les preuves dans les textes et selon le consensus des ulama. Donc quelqu'un qui dit la salat c'est pas wajib, c'est pas obligatoire, celui qui nie son obligation, il quitte l'islam. Et ça c'est pour la salat et c'est pour autre, toutes les autres obligations dans l'islam. Si quelqu'un dit par exemple que quelque chose que Allah a ordonné, il nie son obligation, automatiquement, s'il le fait avec connaissance, il sera considéré comme étant un kafir selon les preuves du Coran et de la Sunna et selon le consensus des ulama. Toutefois, Ibn Taymiyyah il dit, toutefois, si la personne vient de se convertir et elle n'est pas au courant que Allah a ordonné la salat, parce qu'il est nouveau dans l'islam, il n'a pas été informé, il ne sait pas que Allah lui a ordonné de faire la salat, ou il ignore l'obligation de certains d'entre les piliers de la salat. C'est-à-dire, il ne sait pas par exemple que c'est obligatoire de faire le wudu pour faire la salat, hein, et qu'il prie sans wudu. Alors, le cheikh il dit, donc dans ce cas-là, s'il ne sait pas qu'Allah a ordonné le wudu et qu'il prie sans faire le wudu, ou il prie par exemple en état de janaba, c'est-à-dire en état d'impureté majeure, alors celui-là, il faut lui enseigner que Allah a ordonné, avant de faire la salat, de se purifier, de faire le wudu, ou de se laver, de faire le ghusl pour la janaba, pour enlever la janaba. Donc dans ce cas-là, il n'est pas kafir. Dans ce cas-là, cet individu-là, lui, il n'est pas considéré kafir parce qu'il est ignorant, d'accord? Et il faut lui enseigner, il faut lui donner les enseignements et lui expliquer que ces choses-là sont obligatoires. Donc ça c'est un point important en ce qui concerne les positions des ulama, d'Ahlus Sunnah par rapport à ce point-là. Et ensuite, le cheikh il mentionne encore un autre exemple ou encore une autre parole des ulama au sujet de cette question-là. يقول ابن قدامة وهو يتكلم عن حكم تارك الصلاة وجملة ذلك أن تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه فإن كان جاهلا به وهو ممن يجهل ذلك كحديث الإسلام وكالحديث الإسلام والناشئ ببادية عرف أو عرف وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور وإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل من ادعى الجهل أو من ادعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله فلا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة وهذا يصير مرتدا عن الإسلام وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل ولا أعلم في هذا خلافا. Donc ça c'est une citation de l'imam Ibn Qudama dans Al-Mughni. Il explique que, parce qu'il parle du verdict au sujet de la personne qui a abandonné la salat, et il dit que en général au sujet de cette question de la personne qui a abandonné la salat, alors c'est soit que cette personne elle l'a abandonné en niant son obligation, en rejetant son obligation, ou bien qu'elle l'a abandonné, mais sans nier son obligation. Si la personne l'a abandonné en rejetant ou en niant son obligation, on doit vérifier, on doit regarder cette personne-là, son état c'est quoi. Il dit, si c'est une personne qui est ignorante, hein, dans ce cas-là, il faut voir, est-ce que c'est une personne dont l'ignorance est justifiée ou non? Comme par exemple, quelqu'un qui est nouveau dans l'islam. Est-ce que quelqu'un qui est nouveau dans l'islam, il connaît tout, tout du premier coup? Bien sûr que non, parce qu'il vient d'accepter l'islam, et on lui a, il n'a pas tout appris encore, il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas. Donc si cette personne-là, elle nie l'obligation de la salat, elle dit non, ce n'est pas obligatoire, ben c'est un ignorant, il vient de se convertir, donc yani, on ne va pas dire de cette personne-là qu'il est kafir, puisque qu'il ou elle est kafir, parce que c'est une personne qui ignore, et elle est excusée du fait qu'elle est nouvelle dans l'islam. De même que quelqu'un qui a grandi dans, dans la campagne ou dans un endroit très éloigné, dans la brousse, dans la, yani, dans le désert ou des endroits éloignés des villes, qui n'a pas appris, hein, eh bien, cette personne-là, il faut lui enseigner l'obligation de la salat, il faut lui faire connaître l'obligation de la salat, et on ne doit pas décréter ou dire à son sujet que cette personne-là, elle est dans le kufr, qu'elle a commis un acte de kufr, parce qu'elle est excusée de son ignorance. Mais si elle ne fait pas partie des personnes dont l'ignorance peut être acceptée, parce qu'elle a grandi parmi les musulmans dans les villes, hein, et dans les villages, donc elle voit les musulmans qui prient, elle connaît l'islam, elle entend, elle lit le Coran, elle connaît les règles de l'islam et tout. Et il y a des ulama qui sont là, qui enseignent aux gens l'islam et qui leur expliquent que l'islam ordonne de faire la salat, etc. Donc dans ce cas-là, cette personne-là ne sera pas excusée pour son ignorance. Et on ne va pas accepter de cette personne-là de prétendre qu'elle est ignorante de l'obligation de la prière, et dans ce cas-là, on va dire que cette personne-là, elle a mécru, parce qu'elle a renié une chose qui est obligatoire dans l'islam. Et les preuves de l'obligation de la salat sont claires et apparentes dans le Coran et dans la Sunna, et les musulmans l'ont toujours appliqué, toujours pratiqué et toujours su. Et ces choses-là n'échappent pas, hein, c'est-à-dire l'obligation de la salat, elle n'échappe pas à quelqu'un qui a grandi dans un pays musulman et qui a côtoyé les musulmans depuis longtemps. Donc il est au courant de l'obligation, il ne peut pas la nier, excepté si c'est quelqu'un qui veut démentir ou rejeter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam et la parole du consensus des savants de l'islam, de la Ummah. Donc cet individu-là qui aura nié son obligation, alors cette personne-là sera considérée comme étant un apostat, c'est-à-dire un murtad, qui a quitté l'islam, et son verdict sera le même verdict que toute autre personne qui aura apostasié de l'islam, du fait qu'il doit être demandé de se repentir, de revenir à la prière. Et si cette personne-là refuse dans un pays musulman et là où on applique la loi islamique, eh bien le verdict de cette personne-là qui a nié cette obligation-là devra être qu'il sera exécuté selon les règles de la religion musulmane. Et l'imam Ibn Qudama, il dit qu'il ne sait pas, il ne connaît aucune divergence à ce sujet-là entre les savants de l'islam. Ça c'est ces paroles qu'il rapporte dans Al-Mughni, d'accord. Donc, en fait c'est ça, c'est que entre les ulama d'Ahl-Sunna, hein, il y a divergence d'opinion au sujet de la personne qui abandonne la salat. On a vu que les ulama comme Ibn Taymiyyah, Ibn Qudama et d'autres ulama, ils font la distinction entre la personne qui a abandonné la salat en niant son obligation, et celui qui a abandonné la salat, mais en affirmant son obligation. Il y a une différence entre les deux, d'accord. Donc, tous les ulama sont d'accord sur la question de celui qui nie l'obligation. Tout le monde est d'accord pour dire que celui-là, il est kafir. Toutefois, il faut voir l'état de l'individu avant de dire qu'il est kafir. faut voir si, si elle est ignorante. Puis après, on regarde, est-ce que c'est justifié ou non qu'elle soit ignorante? Hein, ou bien elle fait juste prétendre être ignorante, alors qu'elle n'a pas d'excuse réelle de prétendre être ignorante, puisqu'elle fait partie des gens qui vivent parmi les musulmans, qui a côtoyé les musulmans, puis qui connaît l'islam comme il faut. Donc, il faut faire la distinction à ce sujet-là. Maintenant, en ce qui concerne la personne qui a abandonné la salat, mais qui ne nie pas son obligation, c'est-à-dire, il ne fait pas la salat, mais il dit oui, la salat c'est obligatoire, c'est ouais, je le sais. Hein? Donc, à ce sujet-là, les ulama ont divergé. À ce sujet-là, les ulama ont divergé. Parmi les ulama de Ahl Sunnah, il y en a qui ont dit, celui qui l'a abandonné par paresse, hein, alors celui-là, il n'est pas kafir. Il n'est pas kafir tant qu'il reconnaît son obligation. D'accord? Et ça, c'est la position de la majorité des ulama, hein, comme l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik ibn Anas, hein, eux, ils disent que si quelqu'un reconnaît l'obligation de la salat, mais qu'il ne la fait pas, qu'il ne l'a pas fait par paresse ou par négligence, il ne sort pas de la religion musulmane, hein, sauf qu'il est fasiq. Il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Hein, et ils disent que cette personne-là a commis un acte qui est kufr, mais bien entendu que ce n'est pas un kufr qui le fait sortir de l'islam, c'est un kufr d'un kufr. Hein, ça c'est la position de ces ulama, parmi les ulama d'Ahl Sunnah. Et il y a d'autres parmi les ulama de l'islam également, parmi les ulama d'Ahl Sunnah également, qui ont dit que non, si il a abandonné la salat en niant son obligation, en reconnaissant son obligation, c'est-à-dire il ne fait pas la salat mais il dit oui, je sais que c'est obligatoire, je le reconnais, mais il l'abandonne par paresse et par négligence, les ulama ont dit celui-là, il est kafir, même s'il reconnaît son obligation. Hein? Ça, c'est une autre position parmi les positions des ulama d'Ahl Sunnah, et il y a beaucoup d'imams parmi les imams des salafs qui ont pris cette position-là, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal dans une de ses positions, et d'autres également parmi les imams. Et ils se basent sur différents dalils, comme par exemple le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Bain al-rajul wal-kufr wal-shirk tarkus salah » entre l'homme et le kufr et le shirk, il y a l'abandon de la salat. Et il se base également sur un autre hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum al-salah, faman tarakaha faqad kafar » le pacte ou l'entente qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Alors, quiconque l'abandonne, il a mécru, c'est-à-dire il a rejeté la foi. Donc ça, c'est leur adilla, d'accord? Et il y a beaucoup d'autres adilla également dans le Coran qu'il mentionne aussi. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Il mentionne ce verset-là. Et il mentionne aussi beaucoup d'autres versets, beaucoup d'autres preuves pour justifier ça. Toutefois, il y a d'autres ulama qui regardent ces textes-là et qui disent que le kufr dont il est question dans ce verset-là, c'est un kufr d'un kufr, et que ce n'est pas un kufr majeur qui fait sortir de l'islam tant qu'il y a le fait de reconnaître l'obligation. Donc, l'important de comprendre dans cette question-là, c'est que les ulama qui ont divergé, parmi les ulama d'Ahl Sunnah qui ont divergé sur la question de la personne qui a abandonné la salat, ils n'ont pas divergé en se basant sur leur passion. Ils n'ont pas divergé en se basant sur une bid'a ou sur une passion. Ils se basent tous sur des textes, hein, du Coran et de la Sunna et des preuves, hein, de la religion. Et ces divergences qu'ils ont dans des questions d'ijtihad sur cette question-là, il n'y en a pas aucun d'entre eux qui ont déclaré ceux qui les opposaient, il n'y en a aucun d'entre eux qui a dit à propos des autres, c'est-à-dire de ceux qui les opposaient dans leur position, que c'était des égarés ou que c'était des mubtadi'a. Hein. À l'époque actuelle, vous rencontrez des jeunes, hein, des ignorants, qui n'ont pas étudié souvent l'islam, ou qui ont appris l'islam juste en lisant quelques livres ou en lisant quelques fatwas sur internet, et puis, ils arrivent et ils disent « Ah, un tel c'est un murji, parce qu'il dit que celui qui abandonne la salat, il n'est pas kafir. Ils disent que c'est un mubtadi et un murji, qui fait partie des murji'a. Hein? Et les autres, il y en a d'autres également qui disent non, celui qui yani, dit que celui qui abandonne la salat est kafir, et qui reconnaît son obligation, celui qui dit que c'est un kafir, c'est un khariji. C'est parti des khawarij, c'est un mubtadi'. Hein? Ça, c'est des jeunes qu'on entend ces paroles-là de la part de certains d'entre eux, parmi les ignorants. Mais entre les ulama de Ahlus Sunnah, il n'y a jamais eu ces accusations-là, et ces insultes-là, ou ces paroles-là les uns envers les autres. C'est-à-dire, ceux qui disent que celui qui abandonne la salat par négligence ou par paresse, ils n'ont jamais dit, ceux qui disent que celui qui l'abandonne par négligence ou par paresse est kafir n'ont jamais dit de ceux qui ne le disaient pas que c'était des murji'a, et ceux qui disent qu'ils ne sont pas kafir n'ont jamais dit à propos de ceux qui les déclaraient kuffar que c'était des khawarij. Hein? Il n'y a jamais eu ces choses-là entre eux. Et ça, c'est pour ça que l'imam al-Humaydi, il explique ici que il y a les cinq piliers, puis on a vu par la suite l'explication du chef qui fait le tahqiq, qui dit que, il cite les paroles de l'imam ibn Rajab al-Hanbali, qui explique qu'entre les ulama d'Ahl al-Sunnah, en dehors du premier pilier de l'islam, c'est-à-dire al-Shahadatayn, il y a divergence entre les ulama d'Ahl al-Sunnah sur le fait des gens qui abandonnent un des piliers de l'islam, tout en reconnaissant son obligation, yani est-ce qu'il est kafir ou non. Il y a une divergence, mais ça amène pas quelqu'un à tomber dans la bid'a à cause de ça. Ça c'est pourquoi, parce que chacun il se base sur un dalil, d'accord. Donc celui qui, par exemple, n'avait pas payé sa zakat, comme le cheikh il le dit ici, celui qui n'a pas payé la zakat, c'est un péché qu'il a fait, et ça reste une dette sur sa tête, sur lui, jusqu'à ce qu'il la paye, d'accord. Et le hajj, c'est la même chose. S'il a la capacité et il a les moyens, c'est une obligation de le faire pour lui. Mais s'il ne l'a pas fait et s'il l'a retardé, dans ce cas-là, s'il n'a pas d'excuse valable, il est considéré comme quelqu'un qui a commis un péché. Et il y en a d'autres parmi les ulama qui disent non, si il la retarde, il peut la faire plus tard, il n'y a pas de problème. On va lire les paroles des ulama à ce sujet-là dans les détails qu'on va lire tout de suite. Donc, le cheikh il dit, en mentionnant par exemple les questions qui ont rapport avec la salat, le shahadatin, la salat et le jeûne, il dit « يقصد المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الأركان الثلاثة شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وصيام رمضان أركان تلزم المسلم أو تلزم المسلم البالغ العاقل لا ولا تسقط عنه حتى يلقى الله جل وعلا. أما الزكاة والحج فهما لا يلزمان إلا إذا توفرت شروطهما. فالزكاة لا تجب إلا في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع القادر. Donc, l'imam al-Humaydi, il a fait une distinction entre les piliers dont il a parlé, comme par exemple le shahadatayn, la salat et le jeûne, comme certains d'entre les ulama l'ont fait. Ils font une distinction entre les deux. Il y en a qui disent, ceux qui abandonnent ces piliers-là, qui les retardent ou qui les abandonnent sans excuse, ceux-là sont des kuffars. Puis les deux autres, zakat et le hajj, ceux-là, s'ils les retardent, ils ne sont pas kuffars. Et la raison pourquoi ils font cette distinction-là entre les deux, c'est que ils disent que al-shahadatayn et la salat et le jeûne du ramadan, c'est obligatoire pour chaque musulman du moment qu'il a atteint la puberté et qu'il a toute sa raison, et personne ne peut en être excusé, c'est-à-dire excusé de ne pas les faire, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Du moment que tu es pubère et que tu as toute ta raison, ça devient une obligation pour toi, tu deviens mukallaf, tu n'as pas d'excuse de ne pas les faire. En ce qui concerne la zakat et le hajj, elles sont obligatoires pour chaque musulman, mais uniquement lorsque leurs conditions sont présentes. Hein? Donc elles dépendent d'autres conditions, hein, qui sont en dehors des conditions de la puberté, puis de la raison de la personne. Comme par exemple, il faut que la personne qui doit payer la zakat, il y a la condition que son argent ait atteint le nisab. Hein, c'est-à-dire que son argent ait atteint le montant minimum, hein, parmi les, le montant, c'est-à-dire le nisab pour l'or c'est 85 grammes. Donc à partir du moment que tu as la valeur de 85 grammes d'or, eh bien tu dois commencer à payer la zakat à partir de cette valeur-là, et tu donnes à partir de ce montant-là ou plus 2,5% de ton argent, et c'est ça la zakat que tu dois payer. Mais il y a une autre condition encore, c'est que cet argent-là que tu as en surplus, il faut que ça fasse une année que tu l'as possédé et que tu n'as pas touché à cet argent-là, d'accord? Donc si ces deux conditions-là ne sont pas respectées ou ne sont pas présentes, il n'y a pas d'obligation pour la personne, il n'y a pas de zakat à payer, d'accord? Donc ça c'est pour la zakat. En ce qui concerne le hajj, même si quelqu'un par exemple a atteint la puberté et quelqu'un a toute sa raison, eh bien ça ne veut pas nécessairement dire que c'est obligatoire pour lui de faire le hajj, parce qu'il y a d'autres conditions qui sont rattachées à cette obligation-là, et c'est par exemple le fait que la personne ait les moyens et la capacité de faire le hajj. Si il n'a pas les moyens de le faire, dans ce cas-là, ce n'est pas une obligation pour lui, d'accord? Et aussi, il y a une autre condition, c'est que, non, ce n'est pas une condition, mais dans le sens que, également, c'est obligatoire une seule fois dans sa vie, tandis que la salat, c'est obligatoire 5 fois par jour, hein? Et le jeûne, c'est 1 fois par année, donc ça se répète à chaque fois, donc ce n'est pas pareil, hein? Et comme on a dit, le hajj, c'est uniquement pour celui qui a la capacité, qui est capable de le faire et qui a les moyens. Donc, ça c'est certains arguments par lesquels certains des ulama ont fait des distinctions entre ces piliers-là, ces trois premiers piliers-là, les trois premiers piliers et les deux derniers qu'on a mentionnés. Et ensuite il dit, « وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح واتفقوا على أن من امتنع من الزكاة مستحلا لذلك غير معتقدا لوجوبها أنه كافر، وإذا كان ممن ليس بحديث عهد بالإسلام، فإن كان حديث عهد بالإسلام عرف وبصر، فإن لم يقر قتل كفرا بعد استتابته. Donc le cheikh il mentionne les paroles du cheikh Ibn Habira dans son livre Al-Ifsah. Et Al-Ifsah c'est un livre qui mentionne les questions sur lesquelles les quatre imams sont en accord et les questions sur lesquelles les quatre imams sont en désaccord. Donc quand il y a un accord, il va dire « Ittafaqou ala kaza » ils sont d'accord sur telle chose. Puis quand ils ne sont pas d'accord, il va dire « Ikhtalafou fi kaza » là il va mentionner les divergences, et il va mentionner les raisons aussi. Donc c'est un livre très bénéfique, et parmi les points qu'il a mentionnés, il dit les ulama sont d'accord, ou les imams sont d'accord sur le fait que si quelqu'un refuse de payer la zakat en disant que c'est permis de ne pas la payer, hein, c'est comme si en réalité il ne croit pas en son obligation, il ne croit pas en l'obligation de la zakat, alors celui-là il est kafir, parce qu'il nie l'obligation de la zakat, d'accord? Et s'il fait, excepté s'il fait partie des gens qui sont nouveaux dans l'islam, et nouveaux convertis, c'est pas que la prière, c'est pas que la zakat est obligatoire, celui-là, il est excusé à cause du fait qu'il est nouveau dans la religion, il n'a pas encore appris. Puis, il dit, il faut lui enseigner et lui faire comprendre les choses. Une fois qu'il a appris et qu'il a compris, si il n'accepte pas l'obligation de la zakat par la suite, alors là il sera exécuté à cause du fait qu'il a nié cette obligation-là, parce que ça c'est la peine de l'apostasie dans l'islam. Toutefois, il faut qu'il comme le cheikh l'a dit, بعد استتابته. بعد استتابته, ça veut dire quoi? Ça veut dire après qu'on l'ait appelé à se repentir, après qu'on l'ait appelé à revenir sur son, sur sa position et d'accepter que c'est obligatoire. D'accord? Donc ça c'est des points importants à comprendre. Donc ça c'est pour celui qui nie l'obligation de la zakat. Ok? Mais celui qui ne paye pas la zakat, mais il reconnaît son obligation, et il ne déclare pas kafir. Les ulama ne déclarent pas kafir, et il y a beaucoup de preuves à ce sujet-là, du fait que ce sont des pécheurs, et que c'est un grand péché, et qu'ils seront punis pour ça. Hein, et que ça reste une dette sur eux jusqu'à ce qu'ils la, jusqu'à ce qu'ils la payent. D'accord? Et, donc ensuite, donc c'est ça, il y a ces explications-là. Ensuite, il dit, نعم. وقال ابن هبيرة في الإفصاح أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم عاقل, على كل مسلم عاقل حر بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة. Donc il dit tous les ulama sont d'accord que le hajj est obligatoire pour chaque musulman qui a sa raison, qui est libre, qui a atteint l'âge de la puberté et qui est en bonne santé et qui est capable, hein, qui a les moyens financiers et qui est capable physiquement de faire le hajj, et ça c'est une obligation pour lui une fois dans sa vie. Et après il dit « اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الحج على المستطيع هل هو على الفور أم على التراخي ولهم في ذلك قولان القول الأول أنه يجب على الفور ولا يجوز له تأخيره إذا لم يحل دونه مانع وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى والقول الثاني أنه على التراخي وهو مذهب الشافعي وقد رجح ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني القول الأول. الشيخ dit que les ulama ont divergé par rapport à l'obligation du hajj pour la personne qui a les moyens et qui est capable de le faire. Est-ce que c'est obligatoire immédiatement, à partir du moment qu'il a les capacités et les moyens, ou bien est-ce qu'il peut le retarder, hein? Est-ce qu'il peut le retarder pour plus tard? Et il y a deux positions entre les ulama à ce sujet-là, d'accord? La première position, c'est que c'est obligatoire automatiquement ou immédiatement lorsqu'il a la capacité de le faire et qu'il n'est pas permis pour lui de le retarder si il n'y a pas d'un empêchement qui l'empêche de le faire, s'il n'y a pas quelque chose qui l'empêche de le faire. Et ça c'est la position de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Ahmad ibn Hanbal et de l'imam Malik ibn Anas rahimahumullah. Donc ça c'est la première position, que automatiquement tu as l'argent, tu as la capacité, t'as les provisions nécessaires, hein, pour toi-même et pour la famille qui va rester derrière, t'es obligé de le faire. Tu peux pas le retarder à l'année prochaine. Ça, c'est la première position. Si tu la retardes, t'as commis un péché. Si tu retardes ton hajj, alors que t'as la capacité, les ulama qui ont cette position-là disent que tu as commis un péché en le retardant. La deuxième position, c'est la position de l'imam Shafi'i, qui dit que tu peux le laisser à plus tard, hein, tu peux le retarder. Et ça, c'est la position de l'imam Shafi'i. Et il mentionne que l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi dans Al-Mughni, il a mentionné que la position qui est la plus correcte, c'est la première. La position qui est la plus correcte, c'est la première position. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu as les moyens de faire ton hajj, tu dois faire ton hajj, si tu es capable physiquement et que tu es capable financièrement, que tu as toutes les choses nécessaires. Et donc, ça c'est mentionné, expliqué en détail dans les livres de fiqh, hein, vous pouvez retourner aux livres de fiqh qui discutent de ces questions-là, et vous allez trouver les différentes preuves qui sont mentionnées par les ulama au sujet de ces questions-là. Mais le point ici, le but de parler de cette question-là ici, c'est plutôt juste de faire connaître, de faire savoir que le fait que quelqu'un n'ait pas abandonné le fait que quelqu'un ait abandonné le fait de faire le hajj, c'est-à-dire le fait que quelqu'un n'a pas fait son hajj lorsqu'il devait le faire, ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam parce qu'il ne l'a pas fait, tant qu'il reconnaît son obligation. Mais il commet un péché selon certains des ulama de Ahl Sunnah en le remettant à plus tard sans excuse valable. D'accord? Et donc ça c'est en ce qui concerne, comme on a vu, les différents piliers de l'islam et la position des ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a à propos de ceux qui ne les ont pas pratiqués. D'accord? Et il y a même une parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab justement qui explique ou qui mentionne le fait que il a dit on ne fait pas le takfir des musulmans pour un péché qu'ils ont commis, et s'ils ont abandonné quelque chose, on fait uniquement le takfir des gens qui ont abandonné ce sur quoi tous les ulama sont d'accord pour dire que cette chose-là c'est kufr. Et c'est-à-dire ash-shahadatan, le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. En ce qui concerne la salat, la zakat, le hajj, le somme, il y a divergence d'opinion entre les ulama sur le fait de dire que la personne qui les a abandonnés tout en reconnaissant leur obligation, que c'est un kafir ou non. Il y a divergence. Donc, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit, ceux qui les abandonnent ne sont pas, on ne peut pas dire hein, qu'ils sont kuffars de cette façon-là. Et même si ceux qui disent que par exemple cet individu-là il est kafir, il faut regarder à son état, regarder sa situation pour savoir est-ce que ce verdict-là s'applique sur lui ou non. On ne peut pas juste juger comme ça. Hein. Donc, bien entendu, ces questions-là sont des questions bien précises. Et la différence entre la position de Ahl Sunnah wal Jama'a sur ces questions-là et la position des Murji'ah, c'est que les Murji'ah, eux, ils considèrent pas que le fait d'abandonner les bonnes actions ou les obligations affecte leur foi. Ils disent que tu la fasses ou que tu la fasses pas, ta foi elle reste la même, même niveau. Elle va pas diminuer par le fait que tu la négliges ou que tu la fasses pas ou que tu l'abandonnes. Tandis que les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, même ceux qui disent que celui qui l'a abandonné en reconnaissant son obligation n'est pas kafir, mais malgré tout, ils disent que ça affecte sa foi. Et ça fait diminuer son iman, et il devient fasiq, hein, par le fait de l'abandonner. Et c'est ça la différence entre la position de Ahl Sunnah wal Jama'a et la position des Murji'ah sur cette question-là. D'accord? Et ensuite, donc, le cheikh, il explique les autres points, comme il a expliqué par exemple par rapport à celui qui a abandonné la zakat, qu'il a commis un péché, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé la zakat, donc il a commis un péché du fait qu'il ne l'a pas payé, et il dit que la zakat c'est un droit pour les musulmans qui sont pauvres, et la personne qui retient cette zakat, qui la donne pas aux pauvres, il est dans le péché jusqu'à ce qu'il leur donne la zakat. En ce qui concerne le hajj, il dit, c'est entre lui et entre son Seigneur. S'il le fait, alors il a fait ce qui est obligatoire pour lui, mais s'il meurt sans avoir fait son hajj, alors qu'il était capable de le faire, hein, il dit, s'il ne fait pas son hajj alors qu'il avait été capable de le faire, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire revenir dans cette vie pour faire son hajj, bien entendu. Après la mort, il ne peut plus revenir. Hein. Et il mentionne, le cheikh, un hadith rapporté par Tirmidhi, hein, à ce sujet-là, puis par At-Tabari dans Mu'jam al-Kabir, et également par Ibn Jarir At-Tabari dans son tafsir, selon Abdullah ibn Abbas. Et ensuite, il dit, « وَيَجِبُ عَلَىٰ أَهْلِهِ أَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَنَرْجُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُؤَدِّيًا عَنْهُ كما لو كان عليه دين فَقُضِيَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. Donc il dit la personne qui avait la capacité de faire le hajj, et qui avait les moyens, et qui est morte. Alors à partir de ce moment-là, c'est obligatoire pour ses proches de faire le hajj pour lui. Hein? C'est-à-dire que ses proches vont prendre une partie de son argent qu'il a laissé dans l'héritage pour aller faire le hajj à sa place. C'est comme une dette qu'il a laissée et que ses héritiers doivent payer pour lui. Hein? Et on souhaite que la personne dont les proches ont fait le hajj pour lui, eh bien, on espère pour lui que ce sera accepté comme la personne qui avait une dette et qu'un de ses proches l'a payé après sa mort pour lui. D'accord? Donc ça c'est la fin des clarifications ou de l'explication à ce sujet-là. Et il y a des explications qui sont mentionnées justement à ce sujet-là. Ça revient toujours à la même chose. Il dit, قال ابن قدامة في المغني متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه أو يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط وانظر الشرح الكبير. Donc l'imam ibn Qudama il dit dans Al-Mughni à ce sujet-là, il dit celui qui est mort et que le hajj était obligatoire pour lui et qu'il n'a pas fait son hajj, c'est obligatoire de faire sortir de ses biens qu'il a laissés en héritage une part de son argent pour que quelqu'un fasse le hajj pour lui et qu'il fasse le umrah pour lui. Peu importe qu'il l'ait abandonné peu importe qu'il n'ait pas fait son hajj par sa négligence ou bien sans négligence. Que ce soit fait par du fait qu'il n'a pas fait son hajj, que ce soit causé par une négligence ou non, c'est pas grave. Du fait qu'il n'a pas fait, du moment qu'il n'a pas fait le hajj, hein, ses proches doivent prendre une partie de ses biens qu'il a laissé en héritage, puis faire le hajj pour lui. Et donc ça c'est l'explication qui est donnée à ce sujet-là. Donc ensuite il dit وتم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Donc il dit le livre a été complété, alhamdulillah, lui seul, la louange est à Allah lui seul, et la paix et le salut soit sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses fidèles et sur sa famille. Donc il termine le livre de cette façon. Et c'est pour dire en fait, pour terminer, alhamdulillah, qu'on a complété cette risala de l'imam Al-Shumayti qui explique les fondements ou 10 parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a et qui les clarifie. Bien entendu, c'est 10 parmi les articles de la Sunnah. Ça ne veut pas dire qu'il a touché à tous les points. Il y a d'autres points qui n'ont pas été mentionnés dans cette risala, mais que d'autres imams, parmi les imams d'Ahl Sunnah, ont expliqué. Hein. Mais l'important, c'est que il a considéré que c'était important pour lui, à son époque, d'expliquer ces points-là. Hein. Tandis que d'autres ulama, parmi les imams des salafs, ils parlent de la aqidah et de la position des salafs, et ils mentionnent des points supplémentaires parfois. D'accord? Mais ça tourne toujours autour de des points qui ont été mentionnés ici. Et donc, on peut voir que dans cette risala, on a touché à plusieurs points qui sont parmi les points de la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a et du manhaj des salaf, et on a réfuté la plupart des groupes et des sectes d'égarement qui ont dévié sur ces différents points-là. Et donc, ça c'est une des façons que les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont utilisé pour défendre la vérité, pour défendre le haqq, pour défendre la aqidah du groupe sauvé, le firqatul najiyah wa ta'ifatul mansoura, et le groupe victorieux, et le manhaj des salaf as-salih, ahlul hadith. Donc, ces positions-là, ce ne sont pas uniquement les positions de l'imam al-Humaydi, c'est la position sur ces questions-là de tous les imams Ahl-Sunnah wal Jama'a en entier, sans exception. D'accord? Et comme on a expliqué au tout début, c'est pas ce manhaj ou cette aqida qu'on est en train d'étudier, hein, c'est pas quelque chose qui est apparu avec Ibn Taymiyyah, avec l'avenue de l'imam Ibn Taymiyyah, ou bien avec l'avenue de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. On voit ici que même les imams qui existaient des siècles et des siècles avant eux, ils défendaient cette même aqida, ces mêmes fondements et ces mêmes principes-là. Hein. Donc, ça c'est pour réfuter tous ceux parmi les jeunes bid'ah aujourd'hui qui accusent les salafis, hein, et qui disent ça c'est quelque chose de nouveau, de contemporain, c'est un mouvement qui est apparu au XXe siècle, que c'est faux. Hein. Cette aqida, elle est dans les textes des salafs, des premiers savants de l'islam, depuis l'époque des sahaba, ces positions-là ont été établies et elles ont continué à être enseignées et expliquées et clarifiées pour les musulmans à travers les siècles, et les groupes qui ont dévié sur ces questions-là, eh bien, ils ont été réfutés. Depuis leur apparition à l'époque, à la fin de l'époque des sahaba, et à l'époque des tabi'in, et à l'époque des tabi'in, et jusqu'à aujourd'hui encore, les imams d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, les chouyoukhs qui existent aujourd'hui, qui sont sur la voie des salafs, continuent à les réfuter et à clarifier la vérité, hein, sur ces différents sujets-là. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, et on espère que ça a été bénéfique pour nous tous, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne al-ikhlas wa sidq, wa yani qu'il nous aide de profiter de ce ilm qu'on a appris ensemble, et non seulement de le garder pour nous puis de le comprendre pour nous-mêmes, mais d'essayer également de le transmettre à ceux qui sont autour de nous et de le faire comprendre aux autres également, hein. Donc jazakumullahu khayran, وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.